Chapitre 10. Grand 9. Titre: Loi de liberté. Ce chapitre comporte 8 sous-titres. Liberté naturelle, esclavage, liberté de pensée, liberté de conscience, libre arbitre, fatalité, connaissance de l'avenir, résumé théorique du mobile des actions de l'homme. Premier titre. Liberté naturelle. Repère 825. Question. Est-il des positions dans le monde où l'homme puisse se flatter de jouir d'une liberté absolue? Réponse. Non, parce que tous vous avez besoin les uns des autres, les petits comme les grands. Repère 826. Question. Quelle serait la condition dans laquelle l'homme pourrait jouir d'une liberté absolue? Réponse. L'ermite dans un désert, dès qu'il y a deux hommes ensemble, ils ont des droits à respecter et non, par conséquent, plus la liberté absolue. Repère 827, question. L'obligation de respecter les droits d'autrui ôte-t-elle à l'homme le droit de s'appartenir à lui-même? Réponse. Nullement, car c'est un droit qu'il tient de la nature. Repère 828, question. Comment concilier les opinions libérales de certains hommes avec le despotisme qu'ils exercent souvent eux-mêmes dans leur intérieur et leurs subordonnés? Réponse. Ils ont l'intelligence de la loi naturelle, mais elle est contrebalancée par l'orgueil et l'égoïsme. Ils comprennent ce qui doit être quand leurs principes ne sont pas une comédie jouée par calcul, mais ils ne le font pas. Question. Leur serait-il tenu compte dans l'autre vie des principes qu'ils ont professés d'ici, ici-bas? Réponse. Plus on a d'intelligence pour comprendre un principe, moins on est excusable de ne pas l'appliquer soi-même. Je vous dis en vérité que l'homme simple, mais sincère, est plus avancé dans la voie de Dieu que celui qui veut paraître ce qu'il n'est pas. Titre: Esclavage. Repère 829, question. Y a-t-il des hommes qui soient, par la nature, voués à être la propriété d'autres hommes? Réponse. Toute suggestion absolue d'un homme à un autre homme est contraire à la loi de Dieu. L'esclavage est un abus de la force. Il disparaît avec le progrès comme disparaîtront peu à peu tous les abus. Commentaire. La loi humaine qui consacre l'esclavage est une loi contre nature, puisqu'elle assimile l'homme à la brute et le dégrade moralement et physiquement. Repère 830, question. Lorsque l'esclavage est dans les mœurs d'un peuple, ceux qui en profitent sont-ils répréhensibles puisqu'ils ne font que se conformer à un usage qui leur paraît naturel? Réponse. Le mal est toujours le mal, et tous vos sophismes ne feront pas qu'une mauvaise action devienne bonne, mais la responsabilité du mal est relative aux moyens qu'on a de le comprendre. Celui qui tire profit de la loi de l'esclavage est toujours coupable d'une violation de la loi de la nature. Mais en cela, comme en toute chose, la culpabilité est relative. L'esclavage étant passé dans les mœurs de certains peuples, l'homme a pu en profiter de bonne foi et comme d'une chose qui lui semblait naturelle. Mais dès que sa raison plus développée et surtout éclairée par les lumières du christianisme lui a montré dans l'esclavage son égal devant Dieu, il n'a plus d'excuses. Repère 831. Question. L'inégalité naturelle des aptitudes ne place-t-elle pas certaines races humaines sous la dépendance des races les plus intelligentes? Réponse. Oui, pour les relever, et non pour les abrutir encore davantage par la servitude. Les hommes ont trop longtemps regardé certaines races humaines comme des animaux travailleurs munis de bras et de mains qui se sont cru le droit de vendre comme des bêtes de somme. Ils se croient d'un sang plus pur, insensé, qui ne voit que la matière. Ce n'est pas le sang qui est plus ou moins pur, mais bien l'esprit. Repère 832, question. Il y a des hommes qui traitent leurs esclaves avec humanité, qui ne les laissent manquer de rien et pensent que la liberté les exposerait plus à la privation. Qu'en dites-vous? Réponse. Je dis que ceux-là comprennent mieux leurs intérêts. Ils ont aussi grand soin de leurs bœufs et de leurs chevaux afin d'en tirer plus de profit au marché. Ils ne sont pas aussi coupables que ceux qui les maltraitent. Mais ils n'en disposent pas moins comme d'une marchandise en les privant de droit de s'appartenir. Titre: Liberté de pensée. Repère 833, question. Y a-t-il en l'homme quelque chose qui échappe à toute contrainte et pour laquelle il jouisse d'une liberté absolue? Question. C'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans limite, car elle ne connaît pas d'entrave. On peut arrêter l'essor, mais non l'anéantir. Repère 834. Question. L'homme est-il responsable de sa pensée? Réponse. Il en est responsable devant Dieu, Dieu seul pouvant la connaître. Il la condamne ou l'absout selon la justice. Titre. Liberté de conscience. Repère 835. Question. La liberté de conscience est-elle une conséquence de la liberté de penser? Réponse. La conscience est une pensée intime qui appartient à l'homme comme toutes les autres pensées. Repère 836. Question. L'homme a-t-il le droit de mettre des entraves à la liberté de conscience? Réponse. Pas plus qu'à la liberté de penser, car à Dieu seul appartient le droit de juger la conscience. Si l'homme règle par ses lois les rapports d'homme à homme, Dieu, par ses lois de nature, règle les rapports de l'homme avec Dieu. Repère 837. Question. Quel est le résultat des entraves mises à la liberté de conscience? Réponse. Contraindre les hommes à agir autrement qu'ils ne pensent, c'est en faire des hypocrites. La liberté de conscience est un des caractères de la vraie civilisation et du progrès. Repère 838, question. Toute croyance est-elle respectable, alors même qu'elle serait notoirement fausse? Réponse. Toute croyance est respectable quand elle est sincère et qu'elle conduit à la pratique du bien. Les croyances blâmables sont celles qui conduisent au mal. Repère 839, question. Est-on répréhensible de scandaliser dans sa croyance celui qui ne pense pas comme nous? Réponse. C'est manquer de charité et porter atteinte à la liberté de penser. Repère 840. Question. Est-ce porter atteinte à la liberté de conscience que d'apporter des entraves à des croyances de nature à troubler la société? Réponse. On peut réprimer les actes, mais la croyance intime est inaccessible. Commentaire. Réprimer les actes extérieurs d'une croyance quand ces actes portent un préjudice quelconque à autrui, ce n'est point porter atteinte à la liberté de conscience, car cette répression laisse à la croyance son entière liberté. Repère 841. Question. Doit-on, par respect pour la liberté de conscience, laisser se propager des doctrines pernicieuses, ou bien peut-on, sans porter atteinte à cette liberté, chercher à ramener dans la voie de la vérité ceux qui sont égarés par de faux principes? Réponse. Certainement on le peut, et même on le doit. Vous enseignez, à l'exemple de Jésus, par la douceur et la persuasion, et non par la force, ce qui serait pis que la croyance de celui que l'on voudrait convaincre. S'il y a quelque chose qu'il soit permis d'imposer, c'est le bien et la fraternité. Mais nous ne croyons pas que le moyen de les faire admettre soit d'agir avec violence. La conviction ne s'impose pas. Repère 842, question. Toutes les doctrines ayant la prétention d'être l'unique expression de la vérité, à quel signe peut-on reconnaître celle qui a le droit de se poser comme telle? Réponse. Ce sera celle qui fait le plus d'hommes de bien et le moins d'hypocrites, c'est-à-dire pratiquant la loi d'amour et de charité dans sa plus grande pureté et dans son application la plus large. À ce signe, vous reconnaîtrez qu'une doctrine est bonne, car toute doctrine qui aurait pour conséquence de semer la désunion et d'établir une démarcation entre les enfants de Dieu ne peut être que fausse et pernicieuse. Titre. Libre arbitre. Repère 843. Question. L'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes? Réponse. Puisqu'il a la liberté de penser, il a celle d'agir. Sans libre arbitre, l'homme serait une machine. Repère 844. Question. L'homme jouit-il du libre arbitre depuis sa naissance? Réponse. Il y a liberté d'agir dès qu'il y a volonté de faire. Dans les premiers temps de la vie, la liberté est à peu près nulle. Elle se développe et change d'objet avec les facultés. L'enfant ayant des pensées en rapport avec les besoins de son âge, il applique son libre arbitre aux choses qui lui sont nécessaires. Repère 845. Question. Les prédispositions instinctives que l'homme apporte en naissant ne sont-elles pas un obstacle à l'exercice du libre arbitre? Réponse. Les prédispositions instinctives sont celles de l'esprit avant son incarnation. selon qu'il est plus ou moins avancé, elles peuvent le solliciter à des actes répréhensibles, et il sera secondé en cela par les esprits qui sympathisent avec ses dispositions, mais il y a point d'entraînement irrésistible quand on a la volonté de résister. Rappelez-vous que vouloir, c'est pouvoir. Repère 846, question. L'organisation est-elle sans influence sur les actes de la vie? Et si elle a une influence, n'est-ce pas aux dépens du libre arbitre? Réponse. L'esprit est certainement influencé par la matière qui peut l'entraver dans ses manifestations. Voilà pourquoi, dans les mondes où les corps sont moins matériels que sur la terre, les facultés se déploient avec plus de liberté, mais l'instrument ne donne pas la faculté. Au reste, il faut distinguer ici les facultés morales des facultés intellectuelles. Si un homme a l'instinct du meurtre, c'est assurément son propre esprit qui le possède et qui le lui donne, mais non pas ses organes. Celui qui inhibe sa pensée pour ne s'occuper que de la matière devient semblable à la brute et pire encore, car il ne songe plus à se prémunir contre le mal, et c'est en cela qu'il est fautif, puisqu'il agit ainsi par sa volonté. Repère 847, question. L'aberration des facultés ôte-t-elle à l'homme le libre arbitre? Réponse. Celui dont l'intelligence est troublée par une cause quelconque n'est plus le maître de sa pensée, et dès lors n'a plus de liberté. Cette aberration est souvent une punition pour l'esprit qui, dans une autre existence, peut avoir été vain et orgueilleux et avoir fait un mauvais usage de ses facultés. Il peut renaître dans le corps d'un idiot, comme le despote dans le corps d'un esclave, et le mauvais riche dans celui d'un mendiant. Mais l'esprit souffre de cette contrainte dont il a parfaite conscience. C'est là qu'est l'action de la matière. Repère 848, question. L'aberration des facultés intellectuelles par l'ivresse excuse-t-elle les actes répréhensibles? Réponse. Non. Car l'ivrogne s'est volontairement privé de sa raison pour satisfaire des passions brutales. Au lieu d'une faute, il en commet deux. Repère 849, question. Quelle est, chez l'homme, à l'état sauvage, la faculté dominante, l'instinct ou le libre arbitre? Réponse. L'instinct. Ce qui ne l'empêche pas d'agir avec une entière liberté pour certaines choses, mais comme l'enfant. Il applique cette liberté à ses besoins et elle se développe avec l'intelligence. Par conséquent, toi qui es plus éclairé qu'un sauvage, tu es aussi plus responsable de ce que tu fais. Repère 850, question. La position sociale n'est-elle pas quelquefois un obstacle à l'entière liberté des actes? Réponse. Le monde a sans doute ses exigences. Dieu est juste, il tient compte de tout, mais il vous laisse la responsabilité du peu d'efforts que vous faites pour surmonter les obstacles. Titre. Fatalité. Repère 851. Question. Y a-t-il une fatalité dans les événements de la vie, selon le sens attaché à ce mot, c'est-à-dire tous les événements sont-ils arrêtés d'avance, et dans ce cas, que devient le libre arbitre? Réponse. La fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. En la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Je parle des épreuves physiques, car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. Un bon esprit, en le voyant faiblir, peut venir à son aide, mais ne peut influer sur lui de manière à maîtriser sa volonté. Un esprit mauvais, c'est-à-dire inférieur, en lui montrant, en lui exagérant un péril physique, peut l'ébranler et l'effrayer. Mais la volonté de l'esprit incarné n'en reste pas moins libre de toute entrave. Repère 852, question. Il y a des gens qu'une fatalité semble poursuivre indépendamment de leur manière d'agir. Le malheur n'est-il pas dans leur destinée? Réponse. Ce sont peut-être des épreuves qu'ils doivent subir et qu'ils ont choisies. Mais encore une fois, vous mettez sur le compte de la destinée ce qui n'est le plus souvent que la conséquence de votre propre faute. Dans les maux qui t'affligent, tâche que ta conscience soit pure et tu seras à moitié consolé. Commentaire. Les idées justes ou fausses que nous nous faisons des choses nous font réussir ou échouer selon notre caractère et notre position sociale. Nous trouvons plus simple et moins humiliant pour notre amour-propre d'attribuer nos échecs au sort ou à la destinée qu'à notre propre faute. Si l'influence des esprits y contribue quelquefois, nous pouvons toujours nous soustraire à cette influence en repoussant les idées qu'ils nous suggèrent quand elles sont mauvaises. Repère 853, question. Certaines personnes n'échappent à un danger mortel que pour tomber dans un autre. Il semble qu'elles ne pouvaient échapper à la mort, n'y a-t-il pas une fatalité ? Réponse. Il y a de fatal, dans le vrai sens du mot, que l'instant de la mort. Quand ce moment est venu, que ce soit par un moyen ou par un autre, vous ne pouvez vous y soustraire. Question. Ainsi, quel que soit le danger qui nous menace, nous ne mourrons pas si l'heure n'est pas arrivée. Réponse. Non, tu ne périras pas, si tu en as des... et tu en as des milliers d'exemples. Mais quand ton heure est venue de partir, rien ne peut t'y soustraire. Dieu sait à l'avance de quel genre de mort tu partiras d'ici, et souvent ton esprit le sait aussi, car cela lui est révélé quand il fait le choix de telle ou telle existence. Repère 854, question. De l'infaillibilité de l'heure de la mort suit-il que les précautions que l'on prend pour éviter sont inutiles ? Réponse. Non, car les précautions que vous prenez vous sont suggérées en vue d'éviter la mort qui vous menace, elles sont un des moyens pour qu'elle n'ait pas lieu. Repère 855, question. Quel est le but de la Providence en nous faisant courir des dangers qui ne doivent pas avoir de suite ? Réponse. Lorsque ta vie est mise en péril, c'est un avertissement que toi-même as désiré afin de te détourner du mal et te rendre meilleur. Lorsque tu échappes à ce péril, encore sous l'influence du danger que tu as couru, tu songes plus ou moins fortement, selon l'action plus ou moins forte des bons esprits, à devenir meilleur. Le mauvais esprit survenant, je dis mauvais, sous-entendant le mal qui est encore en lui, tu penses que tu échapperas de même à d'autres dangers, et tu laisses de nouveau tes passions se déchaîner. Par les dangers que vous courez, Dieu vous rappelle votre faiblesse et la fragilité de votre existence. Si l'on examine la cause et la nature du péril, on verra que, le plus souvent, les conséquences eussent été la punition d'une faute commise ou d'un devoir négligé. Dieu vous avertit ainsi de rentrer en vous-même et de vous amender. Repère 856, question. L'esprit sait-il d'avance le genre de mort auquel il doit succomber ? Réponse. Il sait que le genre de vie qu'il choisit l'expose à mourir de telle manière plutôt que de telle autre. Mais il sait également les luttes qu'il aura à soutenir pour l'éviter et que, si Dieu le permet, il ne succombera pas. Repère 857, question. Il y a des hommes qui affrontent les périls des combats avec cette persuasion que leur heure n'est pas venue et y a-t-il quelque chose de fondé dans cette confiance ? Réponse. Très souvent, l'homme a le pressentiment de sa fin, comme il peut avoir celui qu'il mourra pas encore. Ce pressentiment lui vient de ses esprits protecteurs qui veulent l'avertir de se tenir prêt à partir ou qui relèvent son courage dans les moments où il lui est le plus nécessaire. Il peut lui venir encore de l'intuition qu'il a de l'existence qu'il a choisie ou de la mission qu'il a acceptée et qu'il sait devoir accomplir. Repère 858, question. D'où vient que ceux qui pressentent leur mort la redoutent généralement moins que les autres ? Réponse. C'est l'homme qui redoute la mort et non l'esprit. Celui qui la pressent pense plus comme esprit que comme homme. Il comprend sa délivrance et il l'attend. Repère 859, question. Si la mort ne peut être évitée quand elle doit avoir lieu, en est-il de même de tous les accidents qui nous arrivent dans le cours de la vie ? Réponse. Ce sont souvent d'assez petites choses pour que nous puissions vous en prévenir et quelquefois vous les faire éviter en dirigeant votre pensée. Car nous n'aimons pas la souffrance matérielle, mais cela est peu important à la vie que vous avez choisie. La fatalité, véritablement, ne consiste que dans l'heure où vous devez apparaître et disparaître ici-bas. Question. Y a-t-il des faits devant forcément arriver et que la volonté des esprits ne puisse conjurer ? Réponse. Oui. Oui, mais que toi, à l'état d'esprit, tu as vu et pressenti quand tu as fait ton choix. Cependant, ne crois pas que tout ce qui arrive soit écrit. Comme on le dit, un événement est souvent la conséquence d'une chose que tu as faite par un acte de ta libre volonté de telle sorte que si tu n'avais pas fait cette chose, l'événement n'aurait pas eu lieu. Si tu te brûles les doigts, ce n'est rien. Si la suite de ton imprudence est la conséquence de la matière, il n'y a que les grandes douleurs, les événements importants et pouvant influer sur le moral qui sont prévus par Dieu, parce qu'ils sont utiles à ton épuration et à ton instruction. Repère 860, question. L'homme, par sa volonté et par ses actes, peut-il faire que des événements qui devraient avoir lieu ne soient pas et réciproquement? Réponse. Il le peut, si cette déviation apparente peut entrer dans la vie qu'il a choisie. Puis, pour faire le bien comme ce doit être, et comme c'est le seul but de la vie, il peut empêcher le mal, surtout celui qui pourrait contribuer à un mal plus grand. Repère 861, question. L'homme qui commet un meurtre, sait-il, en choisissant son existence, qu'il deviendra assassin? Réponse. Non. Il sait que, choisissant une vie de lutte, il y a chance pour lui de tuer un de ses semblables, mais il ignore s'il le fera, car il y a presque toujours en lui délibération avant de commettre le crime. Or, celui qui délibère sur une chose est toujours libre de la faire ou de ne pas la faire. Si l'esprit savait d'avance que, comme homme, il doit commettre un meurtre, c'est qu'il y serait prédestiné. Sachez donc qu'il n'y a personne de prédestiné au crime et que tout crime ou tout acte quelconque est toujours le fait de la volonté ou du libre arbitre. Au reste, vous confondez toujours deux choses bien distinctes, les événements matériels de la vie et les actes de la vie morale. S'il y a fatalité quelquefois, c'est dans ces événements matériels dont la cause est en dehors de vous et qui sont indépendants de votre volonté. Quant aux actes de la vie morale, ils émanent toujours de l'homme même qui a toujours par conséquent la liberté du choix. Pour ces actes, il n'y a donc jamais fatalité. Repère 862, question. Il y a des personnes auxquelles rien ne réussit et qu'un mauvais génie semble poursuivre dans toutes leurs entreprises. N'est-ce pas là ce qu'on peut appeler la fatalité? Réponse. C'est bien de la fatalité si tu veux l'appeler ainsi. Mais elle tient au choix du genre d'existence parce que ces personnes ont voulu être éprouvées par une vie de déception, afin d'exercer leur patience et leur résignation. Cependant, ne crois pas que cette fatalité soit absolue. Elle est souvent le résultat de la fausse route qu'elles ont prise et qui n'est pas en rapport avec leur intelligence et leurs aptitudes. Celui qui veut traverser une rivière à la nage sans savoir nager a grande chance de se noyer. Il en est ainsi dans la plupart des événements de la vie. Si l'homme n'entreprenait que des choses en rapport avec ses facultés, il réussirait presque toujours. Ce qui le perd, c'est son amour-propre et son ambition qui le font sortir de sa voie et prendre pour une vocation le désir de satisfaire certaines passions. Il échoue et c'est sa faute, mais au lieu de s'en prendre à lui, il aime mieux en accuser son étoile. Tel eût fait un bon ouvrier et gagné honorablement sa vie, qui serait un mauvais poète et mourra de faim. Il y aurait place pour tout le monde si chacun savait se mettre à sa place. Repère 863, question. Les mœurs sociales n'obligent-elles pas souvent un homme à suivre telle voie plutôt que telle autre, et n'est-il pas soumis au contrôle de l'opinion dans le choix de ses occupations? Ce qu'on appelle le respect humain n'est-il pas un obstacle à l'exercice du libre arbitre? Réponse. Ce sont les hommes qui font les mœurs sociales, et non Dieu. S'ils s'y soumettent, c'est que cela leur convient, et c'est encore là un acte de leur libre arbitre, puisque, s'ils le voulaient, ils pourraient s'en affranchir. Alors pourquoi se plaindre? Ce ne sont pas les mœurs sociales qu'ils doivent accuser, mais leur sot amour-propre qui leur fait préférer mourir de faim plutôt que de déroger. Personne ne leur tient compte de ce sacrifice fait à l'opinion, tandis que Dieu leur tiendra compte du sacrifice de leur vanité. Ce n'est pas à dire qu'il faille braver cette opinion sans nécessité, comme certains gens qui ont plus d'originalité que de véritable philosophie. Il y a autant de déraisons à se faire montrer au doigt ou regarder comme une bête curieuse qu'il y a de sagesse à descendre volontairement et sans murmure quand on ne peut se maintenir sur le haut de l'échelle. Repère 864, question. S'il y a des gens auxquels le sort est contraire, d'autres semblent être favorisés car tout leur réussit, à quoi cela tient-il? C'est souvent parce qu'ils savent mieux s'y prendre, mais ce peut être aussi un genre d'épreuve, le succès les énivre, ils se fient à leur destinée et ils payent souvent plus tard ces mêmes succès par de cruels revers qu'ils eussent pu éviter avec la prudence. Repère 865, question. Comment expliquer la chance qui favorise certaines personnes dans les circonstances où la volonté ni l'intelligence ne sont pour rien, au jeu par exemple? Réponse. certains esprits ont choisi d'avance certaines sortes de plaisirs. La chance qui les favorise est une tentation. Celui qui gagne comme homme perd comme esprit. C'est une épreuve pour son orgueil et sa cupidité. Repère 866, question. La fatalité qui semble présider aux destinées matérielles de notre vie serait donc encore l'effet de notre libre arbitre ? Réponse. Toi-même as choisi ton épreuve. Plus elle est rude, mieux tu la supportes, plus tu l'élèves, plus tu t'élèves. Ceux-là qui passent leur vie dans l'abondance et le bonheur humain sont de lâches esprits qui demeurent stationnaires. Ainsi, le nombre des infortunés l'emporte sur beaucoup, sur celui des heureux de ce monde, attendu que les esprits cherchent pour la plupart l'épreuve qui leur sera la plus fructueuse. Ils voient trop bien la futilité de vos grandeurs et de vos jouissances. D'ailleurs, la vie la plus heureuse est toujours agitée, toujours troublée, ne serait-ce que par l'absence de la douleur. Repère 867, question. D'où vient l'expression « être né sous une heureuse étoile » ? Réponse. Vieille superstition qui rattachait les étoiles à la destinée de chaque homme, allégorie que certains gens ont la sottise de prendre à la lettre. Connaissance de l'avenir. Repère 868. Question. L'avenir peut-il être révélé à l'homme ? Réponse. En principe, l'avenir lui est caché. Ce n'est que dans des cas rares et exceptionnels que Dieu en permet la révélation. Repère 869. Question. Dans quel but l'avenir est-il caché à l'homme ? Réponse. Si l'homme connaissait l'avenir, il négligerait le présent et n'agirait pas avec la même liberté, parce qu'il serait dominé par la pensée que, si une chose doit arriver, il n'a pas à s'en occuper, ou bien il chercherait à travers, à l'entraver. Dieu n'a pas voulu qu'il en fût ainsi, afin que chacun concourût à l'accomplissement des choses, même de celles auxquelles il voudrait s'opposer. Ainsi, toi-même, tu prépares souvent, sans t'en douter, les événements qui surviendront dans le cours de ta vie. Repère 870, question. Puisqu'il est utile que l'avenir soit caché, pourquoi Dieu en permet-il quelquefois la révélation ? Réponse. C'est lorsque cette connaissance préalable doit faciliter l'accomplissement de la chose au lieu de l'entraver, en engageant à agir autrement qu'on eût fait sans cela. Et puis, souvent, c'est une épreuve. La perspective d'un événement peut éveiller des pensées plus ou moins bonnes. Si un homme doit savoir, par exemple, qu'il fera un héritage sur lequel il ne compte pas, il pourra être sollicité par le sentiment de la cupidité, par la joie d'augmenter ses jouissances terrestres, par le désir de posséder plus tôt en souhaitant peut-être la mort de celui qui doit lui laisser sa fortune. Ou bien cette perspective éveillera en lui de bons sentiments et des pensées généreuses. Si la prédiction ne s'accomplit pas, c'est une autre épreuve, celle de la manière dont il supportera la déception. Mais il n'en aura pas moins le mérite ou le tort des pensées bonnes ou mauvaises que la croyance à l'événement a fait naître en lui. Repère 871, question. Puisque Dieu sait tout, il sait également si un homme doit succomber ou non dans une épreuve. Dès lors, quelle est la nécessité de cette épreuve, puisqu'elle ne peut rien apprendre à Dieu qu'il ne sache déjà sur le compte de cet homme ? Réponse. Autant vaudrait demander pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme parfait et accompli. Pourquoi l'homme passe par l'enfance avant d'arriver à l'état adulte ? L'épreuve n'a pas pour but d'éclairer Dieu sur le mérite de cet homme, car Dieu sait parfaitement ce qu'il vaut, mais de laisser à cet homme toute la responsabilité de son action, puisqu'il est libre de la faire ou de ne pas la faire. L'homme ayant le choix entre le bien et le mal, l'épreuve a pour effet de le mettre aux prises avec la tentation du mal et de lui laisser tout le mérite de la résistance. Or, quoique Dieu sache très bien d'avance s'il réussira ou non, il ne peut, dans sa justice, ni le punir, ni le récompenser pour un acte qui n'a pas été accompli. Commentaire. Il en est ainsi parmi les hommes. Quelque capable que soit un aspirant, quelque certitude qu'on ait de le voir réussir, on ne lui confère aucun grade sans examen, c'est-à-dire sans épreuve. De même, le juge ne condamne un accusé que sur un acte consommé et non sur la prévision qu'il peut ou doit consommer cet acte. Plus on réfléchit aux conséquences qui résulteraient pour l'homme de la connaissance de l'avenir, plus on voit combien la Providence a été sage de le lui cacher. La certitude d'un événement heureux le plongerait dans l'inaction, celle d'un événement malheureux dans le découragement. Dans l'un ou l'autre cas, ses forces seraient paralysées. C'est pourquoi l'avenir n'est montré à l'homme que comme un but qu'il doit atteindre par ses efforts, mais sans connaître la filière par laquelle il doit passer pour l'atteindre. La connaissance de tous les incidents de la route lui ôterait son initiative et l'usage de son libre arbitre. Il se laisserait entraîner à la pente fatale des événements sans exercer ses facultés. Quand le succès d'une chose est assuré, on ne s'en préoccupe plus. Titre. Résumé théorique du mobile des actions de l'homme. Repère 872. Il n'y a ni question ni réponse, c'est un résumé. La question du libre arbitre peut se résumer ainsi. L'homme n'est point fatalement conduit au mal, les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance. Les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt du destin. Il peut, comme épreuve et comme expiation, choisir une existence où il aura les entraînements du crime, soit par le milieu, soit où il se trouve placé, soit par des circonstances qui surviennent. Mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. Ainsi, le libre arbitre existe à l'état d'esprit dans le choix de l'existence et des épreuves, et à l'état corporel dans la faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels nous nous sommes volontairement soumis. C'est à l'éducation à combattre ces mauvaises tendances. Elle le fera utilement quand elle sera basée sur l'étude approfondie de la nature morale de l'homme. Par la connaissance des lois qui régissent cette nature morale, on parviendra à la modifier, comme on modifie l'intelligence par l'instruction et le tempérament par l'hygiène. L'esprit dégagé de la matière et à l'état errant fait choix de ses existences corporelles futures selon le degré de perfection auquel il est arrivé. Et c'est en cela, comme nous l'avons dit, que consiste surtout son libre arbitre. Cette liberté n'est point annulée par l'incarnation. Il cède à l'influence de la matière, c'est qu'il succombe sous les épreuves même qu'il a choisies, et c'est pour l'aider à les surmonter qu'il peut invoquer l'assistance de Dieu et des bons esprits. Sans le libre arbitre, l'homme n'a ni tort dans le mal, ni mérite dans le bien, et cela est tellement reconnu que, dans le monde, on proportionne toujours le blâme ou l'éloge à l'intention, c'est-à-dire à la volonté. Or, qui dit volonté dit liberté. L'homme ne saurait donc chercher qu'une excuse de ses méfaits dans son organisation, sans abdiquer sa raison et sa condition d'être humain, pour s'assimiler à la brute. S'il en était ainsi pour le mal, il en serait de même pour le bien. Mais quand l'homme fait le bien, il a le grand soin de s'en faire un mérite et n'a garde d'en gratifier ses organes, ce qui prouve qu'instinctivement il ne renonce pas, malgré l'opinion de quelques systématiques ou au plus beau privilège de son espèce, la liberté de penser. La fatalité, telle qu'on l'entend vulgairement, suppose la décision préalable et irrévocable de tous les événements de la vie, quelle qu'en soit l'importance. Si tel était l'ordre des choses, l'homme serait une machine sans volonté. À quoi lui servirait son intelligence, puisqu'il serait invariablement dominé dans ses actes par la puissance du destin? Une telle doctrine, si elle était vraie, serait la destruction de toute liberté morale. Il n'y aurait plus pour l'homme de responsabilité, et par conséquent, ni bien, ni mal, ni crime, ni vertu. Dieu, souverainement juste, ne pourrait châtier sa créature pour ses fautes qu'il n'aurait pas dépendu d'elle de ne pas commettre, ni de la récompenser pour des vertus dont elle n'aurait pas le mérite. Une pareille loi serait en outre la négation de la loi du progrès, car l'homme qui attendrait tout du sort ne tenterait rien et pour améliorer sa position, puisqu'il n'en serait ni plus ni moins. La fatalité n'est pourtant pas un vain mot. Elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il y remplit, par suite du genre d'existence dont son esprit a fait choix, comme épreuve, expiation ou mission. Il subit fatalement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances bonnes ou mauvaises qui y sont inhérentes. Mais là s'arrête la fatalité, car il dépend de sa volonté de céder ou non à ses tendances. Le détail des événements est subordonné aux circonstances qu'il provoque lui-même par ses actes et sur lesquelles peuvent influer les esprits par les pensées qu'il lui suggère. La fatalité est donc dans les événements qui se présentent, puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence fait par l'esprit. Elle peut ne pas être dans le résultat de ces événements, puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa prudence. Elle n'est jamais dans les actes de la vie morale. C'est dans la mort que l'homme est soumis d'une manière absolue à l'inexorable loi de la fatalité. car il ne peut échapper à l'arrêt qui fixe le terme de son existence, ni au genre de mort qui doit en interrompre le cours. Selon la doctrine vulgaire, l'homme puiserait tous ses instincts en lui-même. Il proviendrait soit de son organisation physique dont il ne saurait être responsable, soit de sa propre nature dans laquelle il peut chercher une excuse à ses propres yeux en disant que ce n'est pas sa faute s'il s'est ainsi fait. La doctrine spirite est évidemment plus morale. Elle admet chez l'homme le libre arbitre dans toute sa plénitude. Et en lui disant que s'il fait mal, il cède à une mauvaise suggestion étrangère, elle lui en laisse toute la responsabilité, puisqu'elle lui reconnaît le pouvoir de résister. Chose évidemment plus facile que s'il avait à lutter contre sa propre nature. Ainsi, selon la doctrine spirite, il n'y a pas d'entraînement irrésistible. L'homme peut toujours fermer l'oreille à la voix occulte qui le sollicite au mal dans son fort intérieur, comme il peut la fermer à la voix matérielle de celui qui lui parle. Il le peut par sa volonté, en demandant à Dieu la force nécessaire, et en réclamant à cet effet l'assistance des bons esprits. C'est ce que Jésus nous apprend dans le sublime prière de l'oraison dominicale, quand il nous fait dire, ouvrez les guillemets, « Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. » Fermez les guillemets. Cette théorie de la cause existante de nos actes ressort évidemment de tout l'enseignement donné par les esprits. Non seulement elle est sublime de moralité, mais nous ajouterons qu'elle relève l'homme à ses propres yeux. Elle le montre libre de secouer un joug obsesseur comme il est libre de fermer sa maison aux importuns. Ce n'est plus une machine agissant par une impulsion indépendante de sa volonté. C'est un être de raison qui écoute, qui juge et qui choisit librement entre deux conseils. Ajoutons que, malgré cela, l'homme n'est point privé de son initiative. Il n'en agit pas moins de son propre mouvement. Puisqu'en définitive, il n'est qu'un esprit incarné qui conserve, sous l'enveloppe corporelle, les qualités et les défauts qu'il avait comme esprit. Les fautes que nous commettons ont donc leur source première dans l'imperfection de notre propre esprit, qui n'a pas encore atteint la supériorité morale qu'il aura un jour, mais qui n'en a pas moins son libre arbitre. La vie corporelle lui est donnée pour se purger de ses imperfections par les épreuves qu'il y subit, et ce sont précisément ces imperfections qui le rendent plus faible et plus accessible aux suggestions des autres esprits imparfaits, qui en profitent pour tâcher de le faire succomber dans la lutte qu'il a entreprise. S'il sort vainqueur de cette lutte, il s'élève. S'il échoue, il reste ce qu'il était, ni plus mauvais, ni meilleur. C'est une épreuve à recommencer, et cela peut durer longtemps ainsi. Plus il s'épure, plus à ses côtés faibles diminuent, et moins il donne de prise à ceux qui le sollicitent au mal. Sa force morale croît en raison de son élévation, et le mauvais esprit, et les mauvais esprits s'éloignent de lui. Tous les esprits plus ou moins bons, alors qu'ils sont incarnés, constituent l'espèce humaine, et comme notre terre est un des mondes les moins avancés, il s'y trouve plus de mauvais esprits que de bons. Voilà pourquoi nous y voyons tant de perversité. Faisons donc tous nos efforts pour n'y pas revenir après cette station, et pour mériter d'aller nous reposer dans un monde meilleur, dans un de ces mondes privilégiés où le bien règne sans partage et où nous nous souviendrons de notre passage ici-bas que comme d'un temps d'exil.